Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Je suis encore une fois Luc Desormeaux et pour m'accompagner cette semaine encore, un monsieur qui se fait griller la couenne aux États-Unis présentement dans un état où il fait beaucoup plus chaud qu'ici et où la neige se fait, oh ma foi, très rare. Monsieur Marc Bouchard, salut Marc. Salut mon cher, oui effectivement, je suis en Arizona, mais on va se calmer sur le bronzage. Ok, ouais. Il fait comme 14 degrés là. Ouais, mais quand même, j'ai vraiment trouvé ça drôle parce qu'à matin, ton timing était vraiment bon pour poster sur ton blog un article sur les pneus d'hiver quand monsieur est en Arizona. J'ai trouvé ça vraiment drôle, ton timing était excellent. Ah oui, mais c'est prévu pour ça. Je savais qu'il y aurait une tempête. Ici, dis-moi c'était pas, parfait. T'étais pas au courant. Oh oui, j'étais parfaitement au courant. Oh oui. Même hier, les patrons au bureau nous ont dit demain, travailler de la maison parce que ça va être l'enfer. Finalement, ça a été un peu moins pire que prévu, je pense. Là. Il y en a tombé, il y en a quand même tombé, mais ça a été tranquillement tout au courant de la journée. Là. Ça n'a pas tombé de bordé le matin. Là. Parce que là, il faut expliquer au monde que en fait, on enregistre un mardi, même si l'émission est diffusée à la fin de la semaine. Oui, oui, c'est ça. Parce que là, on a l'air de parler de ce qui se passe dans la journée, mais il faut rappeler qu'on enregistre le mardi parce que l'émission va être diffusée quand même vendredi. C'est ça. Ouais, puis c'est ça. Comment ça, ils parlent de neige? C'est super beau aujourd'hui. Non, c'est ça. On enregistre mardi soir parce que c'est le temps le plus simple cette semaine parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Cette semaine, moi, il y a la sortie de Star Wars et vendredi, je serai pas disponible. Et puis jeudi, ben moi, on s'en va avec Nissan voir Star Wars jeudi soir. Là. Fait que ça va être intéressant. Oui, monsieur. Ouais. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On va se voir, ce qui arrive pas souvent. Donc, non, effectivement. Marc, présentement, tu es en Arizona. Explique-nous un peu pourquoi tu es là. Tu es un véhicule qui est quand même assez populaire au Québec. Oui, en fait, j'essaie le Jeep Wrangler 2018. Le tout nouveau Wrangler. Mm-hmm. Un véhicule qui a été complètement refait. Au complet, nouvelle plateforme, nouvelle structure, nouvel assemblage, nouvelle motorisation en partie, parce que on garde quand même le V6 3.6, là, mais on arrive avec un nouveau véhicule. Bref, un tout nouveau véhicule qui, honnêtement, est impressionnant. Écoute, je t'avoue que moi, je suis un fan là, de ce genre d'affaires-là, et j'étais très, très heureux quand j'ai eu l'invitation de Jeep de venir ici, parce qu'on nous avait promis, bien sûr, un essai sur la route et un essai hors route. OK, ben, tant qu'à avoir un Jeep, tu sais. Ouais, mais ouais. Quand je te dis de hors route, là, je peux te dire qu'il était sérieux. OK. Écoute, tu sais, la partie pour se rendre au lunch, il y avait une portion entre la route pavée puis le lunch. Ça aurait déjà été, en temps normal, une portion hors route pour un autre utilitaire. OK, ouais, OK. OK. Mm-hmm. Juste cette partie-là, c'était ça. Quand on est arrivé dans le vrai hors route, je t'avoue que j'ai cherché mes itinéraires un peu là. C'était vraiment extrêmement sérieux comme en route. On avait avec nous les guides des Jeep Jamboree, des gars qui connaissent les Jeeps sur le bout de leurs doigts, qui nous donnaient des indications. On était dans un sentier extrêmement rocailleux. On a fait ce qu'on appelle du rock crawling, donc on a vraiment escaladé une paroi escarpée en roche. Si vous allez sur ma page Facebook, j'ai mis une vidéo. Évidemment, la vidéo ne rend pas justice comme d'habitude là, mais je peux vous dire que d'en bas là, c'est assez stressant et tu montes et tu sens la voiture qui dérape et qui travaille là, vraiment avec une précision incroyable. Évidemment, tu montes pas vite là. Et là, tu sens qu'elle adhère puis qu'elle se déplace puis que les roues sont articulées en conséquence. Et tout ce que tu vois devant toi, en fait, c'est le ciel et deux bras dans les airs qui sont les bras du gars qui te guide. Okay. Genre un peu plus à gauche, un peu plus à droite, et break, accélère. Et c'est absolument phénoménal comme expérience, et tu te dis, tu sais, ça y est, le Jeep va reculer, va tomber sur le côté, va repartir d'en arrière, et finalement, il le fait. On avait la version Rubicon pour faire ça, évidemment, là, qui est la version la plus extrême. Mm-hmm. Écoute, c'est incroyable comment ce véhicule-là s'est comporté dans un sentier comme celui-là. Honnêtement, je sais pas avec quoi d'autre j'aurais été en mesure de faire ça. Peut-être du Land Rover. Range Rover sont capables de quand même assez... À la limite, mais la garde au sol, je sais pas si ça aurait été suffisant. Parce qu'il faut préciser aussi que le Rubicon est quand même monté sur des pneus 33 pouces. Oui, oui. Alors évidemment, il y a une garde au sol qui est assez élevée. On a augmenté cette garde au sol-là d'à peu près un pouce encore. Il y a des angles d'attaque qui sont très, très, très, très évidents. Là. Écoute, c'est vraiment, vraiment spectaculaire ce qu'on a fait en route avec ça. OK, moi j'imagine que c'est une belle grosse bébelle. Là. C'est vraiment... Tu sais, les gens qui s'achètent un Jeep, normalement, planifient quand même d'aller en route un peu. Tu n'achètes pas ça pour aller en ville seulement. Là. Mais c'est non, ouais. Mais en même temps, je suis pas sûr que les gens font du hors-route de façon aussi intense que ce qu'on a fait là. Ouais, parce j'imagine dans ces moments-là, tes assurances sont caduques. Oui, ben il y en a que oui. Ouais. Moi, j'ai déjà participé à des Jeep Jamboree avec des maniaques là, qui sont là, puis c'est vraiment assez spectaculaire. Mais je peux te dire là, que j'ai pas. Je suis là un petit peu nerveux. Là. Dans le bas de la côte, là, j'ai dit à la blague au guide, tu diras à ma femme que je l'aime, là. Mais c'était pas tant que ça une blague, finalement. Mais ils disent que dans chaque blague, il y a un petit peu de vérité. Oh là, je t'avoue que non, sérieusement, quand j'ai vu la côte, j'ai eu un 3 secondes à me dire, ouf, est-ce qu'il y a une place pour faire le tour? Et finalement, ça s'est fait très, très bien et sans trop de difficultés. Donc, juste ça, c'est vraiment exceptionnel. Mais évidemment, ce n'est qu'une partie des capacités du Jeep. Ce qui est vraiment fascinant, c'est un paquet d'autres éléments. Bon, comme je te dis, il y a encore le moteur V6 3.6, 285 chevaux. Il y a maintenant un nouveau moteur turbo 2 litres 4 cylindres de 270 chevaux. Un petit moteur qui est jumelé à une transmission 8 vitesses et qui vraiment, vraiment, mais là, il y a aussi une transmission 8 vitesses là, sur l'autre moteur. Là. Okay, mais ouais. Le 2 litres turbo s'est avéré vraiment nerveux. Tu sais, là, il y a du pep. Là. Tu sens que c'est un véhicule qui veut. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Évidemment, c'est un Jeep. Donc, Jeep, ça veut dire trail rated. Ça veut dire que les capacités pour aller en route, je t'en ai parlé, mais moi, j'avais le Rubicon parce que c'était le plus intense, mais tous les Jeep Wrangler sont trail rated. Ça veut dire qu'ils sont capables de répondre, en fait, aux normes au niveau de la garde au sol, au niveau de la... Ils peuvent aller jusqu'à 70 cm dans l'eau. Ils peuvent être articulés autour de... faire ce qu'on appelle du rock crawling. Là, quand c'est vraiment... Il contourne les rochers, là, tu vois les suspensions travaillées, c'est absolument incroyable et fascinant. Okay. Ce qui est intéressant de ce Jeep-là, c'est qu'on l'a amélioré on a utilisé de l'acier haute densité. On a aussi utilisé beaucoup plus des parties, entre autres, d'aluminium, pas d'aluminium, mais oui, mais de haute densité d'aluminium, c'est le mot que je cherchais. Donc, ça permet d'alléger, en fait, d'à peu près 200 kilos. La totalité du véhicule. Ce qui va aider pour la consommation et aussi son agilité. Effectivement. Et là, tu viens de mentionner un mot intéressant, l'agilité. C'est pas quelque chose qu'on avait en tête quand on utilisait un Jeep Wrangler auparavant. Non. On s'attendait à ce que ça soit pato un peu puis que ça fasse la job, mais pas plus. Ah, honnêtement, ce véhicule-là est agile. On a réussi à diminuer le diamètre de braquage d'à peu près un pied, ce qui est excellent. On a aussi, la direction est beaucoup plus légère qu'auparavant. Les accélérations sont vives. Honnêtement, sur la route, parce qu'on a fait de la route aussi puis de l'autoroute, c'est un véhicule qui est devenu un vrai véhicule familial. Il se comporte bien. On a modifié les suspensions. On en a fait vraiment quelque chose où il n'y a plus de roulis ou à peu près plus. Il n'y a plus les vibrations. T'es pas obligé de te crier par la tête pour t'entendre. L'habitacle est ultra silencieux. Honnêtement, ça m'a impressionné à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était un comportement digne de n'importe quel utilitaire de ville, je te dirais. Là. OK. La finition aussi a l'air un peu mieux. Je regarde ta photo de celui qui est vert, là, pas de porte et tout ça. Puis l'intérieur, les sièges ont l'air beaucoup plus jolis, beaucoup mieux finis. C'est-tu le cas aussi à l'intérieur? As-tu retravaillé un peu le design intérieur? On a retravaillé au complet le design intérieur. On a amélioré la qualité des matériaux. On a modifié le style. Bon, eux autres nous ont sorti toute la théorie comme quoi ils s'étaient inspirés des Jeeps qui datent de 1941. Puis, tu sais, là, il y a un designer qui nous a expliqué pendant 10 minutes les inspirations qu'il avait prises. Mais dans les faits, on a effectivement amélioré le tout. On a modifié tout ça. On a à l'intérieur un nouveau système U-Connect de nouvelle génération. Okay. Le dernier allait très bien. Celui-là va encore mieux. Avec le contour est fait comme en espèce... Ça a l'air presque d'un truc militaire là, protégé. Les cadrans sont vraiment beaucoup plus beaux qu'ils ne l'étaient. Honnêtement, c'est une amélioration énorme de ce véhicule-là. C'est quelque chose qui, je te dis, avant, c'était... réservé à des gens qui aimaient un peu plus les trucs extrêmes. Aujourd'hui, c'est vraiment un véhicule qui va devenir beaucoup plus agréable pour tout le monde. D'autant plus qu'on a facilité aussi l'usage du toit. Je m'explique. Tu sais qu'un Jeep, bon, la plupart du temps, tu peux enlever le toit. Il y a des toits en toile, il y a des toits rigides que tu peux enlever. Et dans certains cas, c'était extrêmement compliqué. Moi, ça a l'air que l'enlever, c'était pas pire, c'était le remettre qui était assez compliqué. Ouais. Puis quand il faisait froid, les zippers gelaient, puis c'était l'enfer. Bon, t'as plus de zipper. Maintenant, ils ont un nouveau système à glissière qui est beaucoup plus facile. Ça prend quelques secondes et c'est défait. Ça va super bien. Et ça te permet d'avoir des combinaisons de toit absolument incroyables. Tu peux, par exemple, avec le toit mou, le toit souple, enlever les côtés et l'arrière, mais laisser le toit. OK. Donc, ça fait comme si tu avais une espèce de d'air ouverte en arrière. Non, si oui, tu ça, veux. Je comprends. C'est avec tout le tour est ouvert, mais tu as quand même un toit par-dessus, là, ce qui est quand même. Ouais, exactement. Ce qui est intelligent. Et après ça, tu décides d'enlever le toit, mais il suffit d'une simple manipulation. Ça prend quelques secondes et ça se replie vers l'arrière. Numéro un, ça c'est facile, ça c'est la beauté de la chose. Il y a aussi la possibilité d'avoir un toit mou électrique. En quelques secondes, il recule et tu peux le faire jusqu'à 60 000 à l'heure. Donc, tu n'es pas obligé de t'immobiliser pour le faire, tu peux le tasser en appuyant sur un bouton, il s'enlève. Okay. Tu peux replier le pare-brise vers l'avant. Bon, évidemment, avant, tu pouvais le faire aussi, mais il y avait 24 bottes. Ouais, c'était assez compliqué. Là, il y en a 4. Ah, beaucoup plus simple, ouais. Alors, c'est super facile. Ça se fait en un tour de main. Tu peux enlever les portes. Les portes ont été allégées. C'est plus facile. On a même intégré à l'intérieur de l'appui-bras une poignée. Comme ça, quand tu transportes la portière, c'est plus facile. Alors, on a vraiment facilité beaucoup, beaucoup l'usage du Jeep. Et ça, vraiment, c'est exceptionnel. Et ajoute à ça tous les systèmes de sécurité que l'on connaît, qui sont maintenant presque de série, là. Contrôle de stabilité, la caméra de recul est maintenant statutaire sur tous les Jeeps. Okay. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Bon, tu connais le pneu de secours en arrière. On l'a baissé de quelques centimètres. Donc, ça donne une meilleure visibilité quand tu regardes dans le rétroviseur. Et au milieu de ça, tu as la caméra de recul. Okay. Donc, c'est vraiment super bien pensé. C'est bien fait, c'est beau. Honnêtement, t'as ça et t'as bon. T'as des capteurs pour l'assistance, pour le stationnement et tout ça. Donc, c'est très, très bien. Le seul bémol, en fait, c'est le prix. Ouais. Parce qu'il est encore disponible en version 2 et 4 portes. En version 2 portes, t'as le modèle Sport et le modèle Rubicon. Mm-hmm. OK? Donc, qui part de 33 000 à 46 000 $ OK. Et en 4 portes, c'est de 41 000 à 48 000 $ Donc, on est quand même dans un véhicule qui est assez dispendieux, là. Il faut le dire, c'est pas donné. Non, mais en version 2 portes, quelqu'un qui veut un VUS, tu sais, capable de faire un peu plus que tu sais, ce qu'on retrouve, c'est quand même bien. C'est sûr que le 2 portes, c'est pas la meilleure chose quand t'as une famille. Oui, c'est le fun à conduire, mais c'est pas la meilleure chose quand t'as une famille. On va aller vers le capote dans ce temps-là, mais bon, ça reste un véhicule qui est capable. Hein. Fait que c'est peut-être pour ça aussi le prix un peu plus élevé. Ah, c'est clair, mais je te dis, je suis vraiment, vraiment surpris de la qualité de la tenue de route, je dirais, comme je te disais, du côté presque berline de la voiture. J'exagère, là, on s'entend, c'est quand même un Jeep. Là. T'as quand même la personnalité du Jeep quand tu conduis, mais t'as plus l'impression du sautillement que t'avais avant. T'as plus l'impression qu'à toutes les fois que tu prends un coin de rue, ça va verser sur le côté. T'as plus ces sensations-là. C'est vraiment juste le plaisir de conduire qui est là. Ah, cool. Ouais, j'ai hâte d'essayer ça. Quand ça va devenir disponible sur la flotte de Montréal, il faudrait que je l'essaye. Effectivement, mon cher, tu dois le faire. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il va arriver bientôt. Je sais que les commandes ont déjà été faites. Il va rentrer bientôt là à Montréal. Oui, je sais. Surtout que ma conjointe trippe carrément sur les Jeep Wrangler. C'est son véhicule préféré. Là. Fait que j'aurais pas le choix. Ouais. Super. Donc, Marc, juste avant d'aller à la pause, je veux juste remercier les gens qui ont pris le temps de nous écrire. On avait posé une question la semaine passée, à savoir, bon, tu sais, un animateur pour se joindre à nous, si ça vous tentait ou pas. Donc, je veux juste remercier les gens qui ont pris le temps de nous écrire. C'est vraiment super apprécié. Lâchez pas. Vous pouvez nous écrire encore jusque pendant le temps des fêtes et même après. On prendra pas notre décision tout de suite, là. Mais prenez le temps de nous écrire tout le temps. Oh oui, quand vous voulez. Quand vous voulez. Puis oui. Il y en a qui ont resté surpris parce que je réponds. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas comme quand tu écris des fois un courriel à quelqu'un, puis tu t'attends pas à ce que la personne réponde. Ben, il y en a qui sont surpris que je prenne le temps de répondre. Puis je prends le temps de répondre. Il y en a à qui j'ai pas encore répondu. Vous pouvez vous attendre à une réponse à un moment donné quand je vais avoir le temps de m'asseoir puis de passer vraiment à travers tous les courriels. Là. Je les ai lus, mais j'ai pas eu le temps de les lire et répondre. Il y a une bonne chance d'aller recevoir une réponse de ma part à un moment donné si vous prenez le temps d'écrire. Là. Donc, merci beaucoup. C'est très, très apprécié. Et puis nous, Marc, on va prendre une petite pause puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour et c'est l'heure de nos essais de la semaine. Marc, ça a été à ton tour d'essayer une voiture que j'ai, au ma foi, beaucoup aimée, la Volkswagen e-Golf, la Golf électrique. Oui, j'ai beaucoup aimé la Golf électrique. OK, je vais te le dire, là, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Mais la fée électricité a une dent contre moi. Ben, je peux la comprendre. T'as pas toujours été fin avec elle. Non, mais disons qu'elle me lâche pas bien, bien. OK. Alors, le principe de la e-Golf, faut le rappeler, c'est un moteur électrique 134 chevaux qui est capable normalement d'une autonomie de 201 km. Honnêtement, j'ai même fait plus que ça la première fois quand je suis parti de Montréal, je suis arrivé à la maison. Il me restait assez d'énergie pour en faire un peu plus. Bref, pas de problème là-dessus. L'autonomie me semble assez fiable. L'affichage qu'on a, c'est réaliste. Et ça, ça va bien. Le reste, c'est une vraie Golf. Ça se conduit comme une Golf. Ça a l'air d'une Golf, ça n'a pas l'air d'une soucoupe volante, à part la couleur que toi, t'aimes pas. Non, j'ai pas dit que je l'aimais pas. C'est pas ma couleur préférée, mais c'est pas une couleur que j'aime pas. Là. Tu l'aimes pas. Mais, étant dit, elle est quand même, moi, je trouve ça très beau. L'intérieur est, bon, c'est une Golf avec tout ce que ça implique au niveau de l'espace, au niveau de l'espace pour les passagers, espace de chargement. Bref, ça va bien. J'adore ça. OK. Ceci étant dit, comme tu sais, moi, j'ai pas de voiture électrique et j'ai pas de borne à la maison. Je me suis pas résigné encore à faire modifier mon panneau électrique pour l'installer. Okay. Alors, je suis branché sur le 120. Le 120, ça veut dire 26 heures de recharge pour remplir complètement une e-Golf. Oui, c'est vide, ça va te prendre du temps. T'es mieux de pas avoir beaucoup à sortir cette semaine-là. C'est ça. Alors, à marque que j'avais pris une deuxième voiture, là, j'avais une Mazda 3 qui, elle, a très, très bien fait le travail. Je vais vous en reparler d'ailleurs, mais... Bref, donc, ça va, je fais mes affaires, je me branche à la maison quand je reviens, tout est beau. À la maison, branché sur le 120, j'ai jamais été capable d'excéder 180 km d'autonomie. OK. Mais je me dis, c'est correct, c'est dehors, il fait froid, je sais pas, tu sais, peut-être que mon système ne charge pas plus que ça pour différentes raisons. Ta batterie n'était pas à 100% ou était à 100% mais tu n'avais pas d'autonomie? Non. Elle n'était pas à 100%. OK, elle ne se rendait pas à 100%. OK, c'est bon. Elle ne se rendait pas à 100%. Okay. Fait que je me dis peut-être qu'il y a une possibilité que ce soit ça. OK, jusque-là, ça va. J'apprécie la conduite, j'apprécie la nervosité du moteur, la précision de la direction. J'aime ce véhicule-là. Honnêtement, ça va bien. En fait, honnêtement, j'essayais même presque de convaincre ma femme de s'en acheter une. Tu sais? Ah, OK. Moi, ça aurait été difficile, par exemple, ils sont durs à trouver. Oh oui, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Au moins, de principe. Oh, oui. Au moins, une adoption de principe. OK, c'est bon. Ceci étant dit, on était invité, ben en fait, j'ai gagné à un moment donné un prix de présence quelque part, et c'est un souper, spectacle, nuit à l'hôtel, petit déjeuner avec mon épouse. Alors, c'est sur la rive sud de Montréal. Je me dis, je me rends, je m'en vais là, avec la e-Golf, tout content. J'arrive là, au bonheur, il y a des bornes de recharge juste à la porte. Bon, c'est bon. Fait que je m'installe là, je me plug. Je vérifie que tout est plugué comme il faut, que la petite lumière verte est allumée pour me dire que ça charge. Mm-hmm. Je rentre dans l'hôtel, je m'en vais dans ma chambre, on se prépare, on soupe, spectacle, dodo, petit déjeuner. Je reviens le lendemain, ça a chargé de 3 km. Alors, je m'en vais voir le gars en dedans en disant, écoutez, le gars dit, oui, il y a un problème avec notre borne. Ah, non, t'es chanceux. Ouais, c'est ça que je te dis. Alors, il faut la réparer, malheureusement. Il y a un petit problème avec notre borne, donc elle ne charge pas au complet. Alors, heureusement, j'étais pas trop loin, puis j'avais encore assez d'autonomie pour revenir à la maison. Mais ça donne une idée qu'il y a vraiment quelqu'un quelque part qui me surveille et qui me déteste profondément avec les voitures électriques. Ouais. Parce que, évidemment, ça m'a encore insécurisé. Au moment où j'essayais de convaincre mon épouse de se lancer là-dedans, on se retrouve avec une voiture qui a des problèmes d'autonomie. C'est pas de la faute de la voiture, mais c'est quand même de la faute de la borne et ça vient quand même compliquer l'usage de cette voiture-là. Ouais, mais je trouve ça un peu dommage. C'est un peu irresponsable du commerçant là, ben de l'hôtel où tu es allé de pas juste le dire que la borne est défectueuse. Le gars le savait. Tu en laisses fait, quand même les gens se brancher dessus. Il l'a su la veille, m'a-t-il dit. Ouais, mais tu sais, une petite pancarte dessus, ça peut régler bien des problèmes. Ouais. Là. En tout cas, fait que, bref, tout ça pour dire que quand finalement on est revenu à la maison, il ne restait qu'une dizaine de kilomètres d'autonomie. Ouais. Tu devais suer à grosses gouttes. Ouais, là, je commençais à avoir hâte d'être rendu. Ouais, j'imagine. Et là, on est vendredi. Ouais. Et là, il faut ramener la voiture lundi Ouais, à ouais, Montréal. ouais. Ouais, Alors ça voulait dire, tu branches l'auto, puis tu sors pas de la fin de semaine, mon gars. ben, où tu branches l'auto, puis t'attends un petit peu, puis tu vas à une borne circuit électrique pas trop loin pour la remplir. Effectivement, mais encore une Ouais. fois, une borne circuit électrique. Ouais, j'aurais pu aller sur est-ce qu'elle est admissible aux bornes rapides? Oui, elle a une prise Oui, c'est vrai, SAE c'est une prise. combo. SAE combo. Effectivement. Oui, c'est vrai. Alors oui, j'aurais pu aller là, c'est vrai, mais n'empêche que, tu sais, encore une fois, c'est l'espèce de guigne qui s'acharne sur moi, c'est mon karma. Ouais. Ah, Ceci étant dit, c'est t'as extrêmement voulu dommage. déranger Thor, le dieu de la voiture électrique. C'est comme. C'est ça, Ouais. exactement. Ceci étant dit, comme je te dis, c'est extrêmement dommage parce que c'est un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça, blague à part, là, c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé. C'est parmi les véhicules électriques, un de ceux qui m'a le plus plu, de par sa nature, de par sa façon de se conduire. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce véhicule-là. Ouais, puis il y a une bonne autonomie aussi. Moi, je suis rarement parti avec une autonomie estimée d'en bas de 200-230 km, là, 220-230 km, là. Elle est Ouais, capable c'est d'en ça. prendre, là. Mais tu vois, quand je suis parti, moi, de là où on va chercher les voitures, là, elle avait été branchée depuis 3 jours, et quand je l'ai prise, elle avait 201 km d'autonomie. OK. Bon, mais C'était assez réfléchissable. ça dépend toujours comment la personne avant toi l'a conduit. Non, non, elle était pleine. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est parce qu'elle calcule la manière de conduire la personne. Fait que si le journaliste qui l'avait avant toi l'a conduit comme une Golf GTI, puis qui était toujours le pied dans le tapis, ben la voiture va donner une autonomie un peu plus basse. Moi aussi, quand je l'ai eu, j'avais une autonomie d'à peu près ça, 201 km. Puis je pense qu'elle n'était pas pleinement chargée parce que moi, elle était revenue dans la même journée. Puis moi, à la charger à la maison, puis à la conduire dans le trafic pour faire les allers-retours, l'autonomie était montée. Je partais, j'avais 225-230 km d'autonomie. Oh, Fait que c'est ça. Non, moi, jamais je me suis rendu Oh là. ouais. Elle est Que capable d'en faire un voilà. peu plus que ça, mais c'est une excellente voiture. Oui, effectivement. Alors, comme je te dis, je suis vraiment, je te le dis, c'est une excellente voiture. C'est une voiture que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. C'est juste dommage que j'aie été victime de la fée électricité qui me déteste profondément. C'est mon karma. Alors, j'ai quasiment peur un jour de m'acheter une voiture électrique. D'après moi, m'en mourir électrocuté. En tout cas. Achète-lui un petit Et toi, cadeau de mon cher. Noël. Achète-lui un petit cadeau de Noël, peut-être qu'elle va te pardonner. Ouais, c'est ça, je vais y acheter des fusibles. Hein. On dit, emballer des fusibles à Noël. Un paquet de batteries. C'est Peut-être ça. demain. Puis toi, mon cher, qu'est-ce que tu conduisais cette Moi, semaine? j'ai conduit le Toyota CHR. J'avoue, là, dans sa catégorie, dans la catégorie des petits VUS, là, c'est probablement mon préféré côté design. Il est vraiment magnifique. Il a l'air agressif. Puis c'est drôle à dire, mais tu sais, on voit le côté design de Sion. Parce que c'est vraiment le dernier véhicule Sion, là. Ça a été lancé au début comme étant le Sion, un véhicule de la marque Sion. Mais après ça, Toyota a décidé de, t'sais, laisser aller cette marque-là et le ramener chez Toyota. Donc vraiment, le design est beaucoup plus prononcé que ce qu'on peut retrouver chez Toyota. Quoique maintenant, on dirait qu'on se base un peu sur sur cette espèce de design-là pour aller dans toutes les autres voitures. La Camry a une allure beaucoup plus sportive, beaucoup plus agressive aussi maintenant. T'sais. Fait que c'est un look qu'on est en train de propager dans la famille de Toyota. Mais j'ai trouvé que ce véhicule-là avait vraiment une allure sportive. T'sais. Un petit VUS Oui. pour un jeune là, qui veut s'acheter un véhicule de ce type-là, c'est parfait parce que ça a l'air agressif, ça a l'air d'un véhicule sport. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il est beau, c'est vrai qu'il est bien réussi, mais c'est dans les lignées, il faut le dire, dans les lignées un peu des Nissan Juke, là. C'est ça. C'est un peu extrême comme design, là. C'est Ben, pas. c'est un beau Nissan Juke. Le Nissan Juke, t'aimes ou t'aimes pas. C'est Non, chier, non, non, ça. mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a des lignes un peu plus épurées que le Juke. Il y a l'allure d'un Juke, c'est-à-dire, tu sais, un arrière un peu plus profilé, un gros aileron. Mais en avant, on a été plus angulaire que rond. Donc, ça lui donne une allure un peu plus moderne, mais un peu moins extraterrestre. Moi, personnellement, j'adore le Juke, mais c'est pas pour tout le monde. Non, Tandis que effectivement. le CHR va aller chercher un plus grand public. Puis c'est la même chose quand ma conjointe l'a vu, elle dit, ah, ça ressemble beaucoup à un Juke. Oui, mais quand tu regardes les lignes, c'est plus accessible côté design qu'un Juke va l'être. Mais j'adore le Juke. Mais tu sais, c'est comme quand je dis à des gens que la Renault Zoé, c'est la petite cousine cute de la Leaf. C'est parce que la Zoé, c'est une super belle voiture, puis la Leaf présente, c'est un peu moins beau. Mais c'est un peu ça pour le Juke. C'est que le Juke, c'est un beau véhicule, mais le CHR est tellement plus beau, mais ils sont pas cousins. La seule chose qui manque à ce véhicule-là, c'est une traction intégrale. C'est même pas disponible. Si vous en voulez une, il va falloir aller ailleurs. À l'intérieur, la technologie, c'est... T'en avais parlé quand t'avais été faire l'essai directement au lancement avec Toyota. Technologie, c'est marginal un peu, là. On n'a pas de CarPlay, on n'a pas d'Android Auto. On peut connecter notre téléphone Bluetooth pour écouter de la musique, ces choses-là, mais c'est limite, là. Pas de navigation. Ouais. Faut dire que... on va préciser que Toyota n'est pas le plus grand fan de CarPlay puis d'Android Auto. Hein. Non. Sur la plupart des véhicules... En fait, ils ne le veulent pas. Ils ont leur propre système qui s'appelle Entune, qui veulent implanter eux-mêmes. Donc, ils ont refusé de signer avec Android Auto et Apple CarPlay, ce qui explique, entre autres, quand même, dans la Camry, tu ne l'as pas. OK. Mais c'est correct. C'est juste que c'est quand même un manque parce qu'il n'y avait même pas de navigation. Puis, j'imagine les gens qui veulent la navigation, ben si tu ne l'as pas dans ton système qui est dans ton auto, ben avec CarPlay ou Android Auto, au moins tu peux te servir de la navigation de ton téléphone. Là, tu es vraiment pris pour physiquement utiliser ton téléphone. Effectivement. Qui n'est pas joyeux. Mais c'est à peu près la seule chose que je peux dire de négatif, c'est pas de traction intégrale puis technologie un peu manquante. Pour le reste, l'intérieur, c'est joli. Le look deux couleurs, là. Non, ben moi j'avais une couleur, il était rouge, puis je pense que le toit était noir, là, mais c'était pas aussi frappant que le bleu et blanc. Le bleu et blanc, c'est épouvantable. Mais quoi, on vise les jeunes, on va s'imaginer qu'il y a des gens qui aiment cette espèce de look deux tons-là, deux couleurs, mais c'est pas nécessairement... Moi, ce que j'aime. Mais le mien était Bourgogne, là, une espèce de rouge vin à grandeur. Il n'y avait pas de deux couleurs. Fait que je le trouvais très joli. Tu sais, des jantes de 17 pouces. Je veux dire, c'est un beau véhicule, un petit 4 cylindres 2 litres avec une CVT. La CVT était correcte, mais par bout, je voyais que ça... Tu sais, une bonne transmission automatique, ça aurait peut-être aidé un peu à certains moments. Mais... Puis la consommation était correcte, mais c'était pas extraordinaire, là. J'ai fini, je me rappelle pas exactement de la consommation, mais je sais que j'étais dans les 7 élevés et non pas dans les 7 bas ou même dans le fin des 6, le 6.9, 7.1. J'étais plus vers 7.8. C'est quand même, tu sais, ça consomme quand même un peu, là. Mais pour le reste, je veux dire, c'est assez spacieux. Le coffre est pas hyper grand, mais il y a quand même assez de place dedans. Un peu plus que dans un Mazda CX-3 ou des choses comme ça. La conduite est nerveuse. On a des modes de conduite différents, dont un mode sport qui fait que, bon, on consomme un peu plus d'essence, mais on a un petit peu plus de sensation de conduite. Mais, tu sais, à part de ça, c'est vraiment ce que vous cherchez. Moi, j'aime beaucoup le design. C'est un véhicule que ça me dérangerait pas de conduire ça tout le temps. Sauf que, personnellement, pour l'hiver, dans un véhicule comme ça, j'aime ça avoir une traction intégrale. Des fois, avec des bons pneus d'hiver, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir une traction intégrale, mais j'aime la sécurité qu'une traction intégrale apporte dans un VUS. J'aimerais ça que ça soit disponible. Il me semble que ça serait intéressant. Peut-être plus tard, peut-être qu'à un moment donné, ça sera une option qui va être qu'on va pouvoir ajouter. Côté prix, ça commence à 24 000 $ environ. Le modèle que moi j'avais en essai était 28 433 $ parce que j'avais le groupe premium. La couleur rouge que j'avais était 255 $ de plus. Donc, tu sais, tu commences à jouer avec « Ah, mais tu veux cette couleur-là? Ah, ben gars, tu sais, paye tant, tu veux telle option. » Ça commence à rajouter. Puis tu vois, à 1600 $ là, ça inclut okay, les roues 18 pouces, détection d'angle mort, donc tu sais, les systèmes de smart clé intelligente et tout ce genre de choses-là. Là. C'est pas nécessairement obligatoire à avoir, mais ça, on aime ça avoir un petit peu d'équipement. Non. Mais c'est ça, ça commence à être un véhicule qui est quand même assez dispendieux, mais si on regarde dans la catégorie, ça suit pas mal, là. C'est pas mal ça. Oui, non, effectivement, il est très raisonnable. Puis nous, on avait eu l'occasion de l'essayer, entre autres sur la piste à Saint-Eustache. Puis honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la conduite de ce véhicule-là. Bon, oui, non, c'est assez nerveux, c'est assez, tu sais, ça se conduit bien, là, ça, c'est pas un véhicule qu'on sent lourd, on le sent léger, maniable et tout ça, donc c'est quand même assez intéressant. Puis comme j'ai dit, moi, c'est vraiment son design qui m'a frappé. Je l'avais vu à quelques reprises, même avant de l'avoir, je l'avais vu à Toronto lors du Festival des essais, parce qu'il était en lice pour voiture de l'année, là, ou VUS de l'année, mais j'avais pas eu l'occasion de le conduire là-bas, c'était pas dans ma catégorie, je l'ai conduit plus à Montréal. Puis une semaine de temps, ça m'a donné le temps de plus m'habituer, tu sais, de l'expérimenter un petit peu plus. Ce véhicule, j'ai beaucoup apprécié. Être dans le marché là, pour un véhicule comme ça, je pense qu'il serait pas mal en haut de ma liste. Comme je te dis, la seule chose qui manque, c'est la traction intégrale. C'est vraiment décevant que ça soit même pas disponible en option. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher. C'est bon. Donc, on va terminer là-dessus, Marc. On va faire une dernière pause, puis on va revenir avec les nouvelles. Alors, nous sommes de retour. Dernier bloc pour cette semaine. Marc, on a le bloc nouvelles, mais tu veux nous parler de la réforme du Code de la route du Québec. Ouais, ben je pense que c'est la nouvelle dont il faut parler cette semaine absolument. Depuis vendredi dernier, en fait, le ministre Fortin a déposé un projet de loi demandant des modifications au Code de la sécurité routière, code qui va obliger les changements de comportement des automobilistes. Et je pense que c'est important d'en parler parce que, pour une fois, et c'est très rare, je peux te dire que je suis d'accord avec ce que le ministre a proposé. C'est assez agressif, hein? Oui, c'est assez agressif et je trouve ça quand même très intéressant parce que, écoute, il y a vraiment toutes sortes d'affaires qui sont complètement folles. Je savais pas ça, moi, mais dans ma tête, tu étais obligé de clignoter. Ok, ouais. Mais tu savais-tu que tu ne l'étais pas? Ben, j'ai toujours pensé qu'un policier pouvait te donner un billet d'infraction si tu ne signalais pas ton intention de tourner ou quelque chose comme ça. Je pensais que c'était une loi, moi aussi. Ben, en tout cas, là, ça va le devenir. Alors, okay. En soi, c'est déjà une bonne chose. Même chose au niveau des igloos mobiles. Oui. Les igloos mobiles qui sont maintenant, mais qui ont toujours été interdits, mais c'était un article de loi un peu particulier, je te dirais, là. Alors que là, vraiment, on parle, c'est clairement établi. Si tu déblayes pas ton char, mon grand, tu vas avoir une ticket. Et c'est tout à fait correct comme ça. Ouais. Ça fait partie des changements radicaux. Évidemment, les changements les plus connus, on en a parlé abondamment. C'est donc à partir du 1er décembre maintenant qu'on va être obligé d'avoir nos pneus d'hiver. Ce qui en soi est une excellente chose, à mon avis. Ouais, parce que les gens sont portés à attendre à la dernière seconde, puis j'espère, là, je sais qu'il doit en avoir là, parmi ceux qui écoutent, là, mais on est le 12, aujourd'hui on est le 12, on a une grosse tempête. Demain, il annonce encore une dizaine de centimètres. Si vous avez pris votre rendez-vous vendredi pour mettre vos pneus d'hiver, là, regardez-vous dans le miroir un peu, il y a peut-être un irresponsable qui vit avec vous. C'est peut-être vous. Ça commence à être dangereux un peu, là. Il y a toujours de la neige avant le 15 décembre, depuis un bout de temps, là. T'sais, faites attention à vous, là. Mettez vos pneus d'hiver un petit peu plus vite, là. Oui, puis on peut-tu arrêter de parler de neige? Ben, ce qu'il faut prévoir, c'est qu'un pneu, t'sais, c'est fait pour... Le composite du pneu est fait pour fonctionner à partir de 7 degrés et moins. Oui. Même si c'est sec, même si c'est mouillé. Tu vois, moi, cette année, là, ben, j'en ai parlé, là, j'essaie des pneus. Cette année, j'essaie, entre autres, les Acapelita Nokian, Acapelita R2. Oui. Et je les ai fait installer, c'est sur la Mazda 2010 que je partage avec mon fils. Et cette voiture-là, on les a, les pneus, là. Puis j'ai vu une différence de comportement incroyable entre les pneus d'été puis les nouveaux pneus, là. Même si il y avait pas de neige, là, c'était vraiment l'asphalte durci par le froid. On sentait vraiment une adhérence beaucoup plus grande avec les pneus d'hiver. Ouais. On va arrêter de parler des pneus d'hiver. Mais à partir de 7 degrés, vos pneus commencent à être moins efficaces et plus ça descend, moins qu'ils sont efficaces. Les pneus d'été. Donc, ça vous prend des pneus d'hiver quand la température descend d'une manière assez constante en bas de 7 degrés. Mais on s'entend que, tu sais, on parle de neige parce que, tu sais, avec tes pneus d'été dans la neige, c'est sûr qu'il fait en bas de moins 7, de 7 degrés, t'as pas de traction, là. Non. Tu iras pas vraiment loin, puis tu vas te planter dans le champ. Fait que, tu sais, pensez-y un petit peu d'avance. Parce qu'on vous aime. Bon, je l'ai dit. C'est ça. Tant que tu me dis pas ça à moi, ça va être correct. OK. Correct, pas de danger. C'est correct. C'est ça. Mais bon, dans les autres trucs dont on a parlé beaucoup, les amendes de texto qui passent de 300 à 600 $, ouais. Ce qui est, à mon avis, ça aussi une bonne nouvelle, et la possibilité de voir ton permis suspendu si tu es un récidiviste de la question. OK. Là, on parle de ça, texto ou on parle de téléphone en main au volant? En fait, on parle d'appareil... Attends, je vais te lire ce que c'est. Un écran pouvant afficher de l'information est placé de manière à ce que le conducteur d'un véhicule routier puisse voir directement ou indirectement l'image transmise sur l'écran. Ça veut dire un téléphone cellulaire, bien entendu. Ça veut aussi dire une tablette. Ça veut aussi dire une liseuse électronique, genre, là, ouais. Ces affaires-là. Les GPS ont été considérés comme une aide à la conduite. Donc, ils sont pas prévus là-dedans. OK. Un téléphone qui te sert de GPS est un téléphone. C'est un téléphone, ça demeure un téléphone. Même aujourd'hui, tu n'as pas le droit de l'avoir en main. OK. C'est pour ça que les gens qui utilisent Waze, par exemple, oui, s'il est accroché en avant de vous et que ça va, il n'y a pas de problème. Mais si vous l'avez en main, même si c'est pour Waze, vous êtes illégal. OK, c'est bon. OK. Dans les autres changements, bon, il y a les récidivistes de l'alcool au volant qui vont être obligés maintenant d'avoir un anti-démarreur sur leur voiture. OK. Et ça veut dire que tu t'es fait pogner une fois, ça va, tu subis les conséquences. Tu t'es fait pogner une deuxième fois, ben là, tu vas avoir un anti-démarreur éthylométrique. Oui. C'est la patente qu'il faut que tu souffles dedans. Mm-hmm. Et tu vas l'avoir pour le reste de tes jours. Oh, OK. En fait, au bout de 10 ans, tu vas pouvoir demander une exemption. Mais il va falloir que tu aies un comportement absolument irréprochable. Donc, tu es pogné avec ça pour le reste de tes jours. OK. Ouais. Fait que c'est déjà ça. C'est bien, mais le seul problème avec ça, c'est qu'il y a toujours des moyens de contournement. Pas vraiment. Ben, ouais, OK. On en parlera pas pour pas donner de trucs, là, mais il me semble qu'il y a des moyens de contournement. En fait, au démarrage, oui, tu peux faire souffler n'importe qui. Ouais. OK. Le problème, c'est que de façon aléatoire sur la route, le système va te redemander de souffler. OK. Ouais, mais dans ce cas-là, si tu as quelqu'un dans l'auto avec toi qui est en état de conduire, puis c'est toi qui décides de conduire, puis quand tu n'es pas en état, on a un autre genre de problème. OK. Ouais, c'est correct. Dans là, ce cas-là. C'est pas mal. Là. Ouais, ouais. Puis la personne qui est assise à côté de toi n'est pas tellement responsable non plus. On peut se le dire tout de suite. OK. C'est bon. Okay. Effectivement, en tout cas. Alors ça, c'est... Bon, il y a toutes sortes d'affaires. Les apprentis conducteurs vont désormais être soumis à un couvre-feu de minuit à 5 heures du matin. Okay. Et là, j'insiste sur le mot « apprenti ». Les apprentis, c'est ceux qui sont obligés de conduire avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas les permis probatoires. Okay. Donc, pour les jeunes, c'est ceux qui ont leur permis pendant un an, là, mais qui sont obligés d'avoir quelqu'un avec un permis de conduire avec eux. Eux autres, ils peuvent pas conduire entre minuit et 5 heures du matin. Okay. À partir du moment où ils ont leur permis, ce qu'ils appellent le permis probatoire, en bas de 19 ans, ils vont être tenus de rouler avec moins de passagers. Ce qui est une bonne affaire, parce qu'entre toi et moi, quand le char est plein, la musique dans le tapis, t'es distrait, même quand c'est nous autres. Ouais. Donc, ils vont être tenus d'avoir moins de passagers, mais ils vont quand même pouvoir rouler de nuit. Okay. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ont un boulot. Tu sais, tu travailles chez McDonald's jusqu'à 3 heures du matin, là. T'aimes ça revenir chez vous. T'sais. En auto, ça te tente. Ça te tente pas de marcher ou de prendre l'autobus pour revenir chez vous si t'es une auto. Ouais, c'est correct. Ouais. Effectivement. Ouais. D'autres mesures, en fait, qui m'ont un peu étonné, il va falloir maintenant que les enfants soient assis dans des sièges d'appoint jusqu'à l'âge de 9 ans ou jusqu'à ce qu'ils mesurent 1,45 m. OK. Ça m'apparaissait beaucoup, pour être franc. Fait que j'ai fait des mesures parce que je voulais voir de quoi ça avait l'air. Et en fait, c'est comme ça à peu près dans toutes les provinces du Québec. Okay. Toutes les provinces du Canada. Okay. Il y a juste comme chez nous où c'était pas comme ça. Et par rapport à la hauteur des ceintures de sécurité, c'est définitivement plus important et mieux pour les enfants. Okay, c'est bon. Si on continue. En fait, toute la réforme est basée sur un principe que le plus gros doit faire attention au plus petit. Okay. OK. Donc, les camions sont maintenant tenus de faire plus attention aux voitures, qui sont eux-mêmes tenus de faire plus attention aux vélos, qui sont eux-mêmes tenus de faire attention aux piétons. OK. Alors, maintenant, les piétons, par exemple, vont pouvoir traverser, mais pour traverser, oui, ils peuvent bien sûr s'engager dans la voie qui leur est réservée, mais à partir du moment où ils vont faire un signe de la main pour dire qu'ils peuvent traverser, ils pourront à ce moment-là traverser et avoir la priorité. OK. OK. Fait que ça, c'est intéressant parce que avant ça, tu savais pas trop, tu attendais qu'ils rentrent dans la rue. Toi, tu étais déjà sur ton aire d'aller, c'était plus compliqué. Alors là, c'est vraiment, ils manifestent son intention, il a priorité. Tu continues après, et ils sont aussi protégés par la même loi que les vélos, donc 1 mètre, 1,50 m. OK, ouais. Alors, comme tu vois, il y a plein d'affaires comme ça. Les cyclistes aussi vont avoir des amendes. Avant ça, un cycliste qui avait un ticket, tu te rends 15 et 30 piastres. Là, c'est 80 à 100 $. OK, on augmente Oui, mais avant, les cyclistes qui avaient un permis de conduire, quand il y avait une infraction, il y avait des points d'inaptitude. OK, ouais. Là, on élimine les points d'inaptitude. OK, fait qu'un plus grand montant, mais pas de points d'inaptitude. C'est ça. Okay. Sauf qu'en même temps, maintenant, ils sont tenus de respecter le code de la route, comme de s'arrêter quand un autobus scolaire clignote, comme les voitures. OK. Sinon, ben ils ont aussi ça. Alors, tu sais, il y a vraiment des normes comme celle-là. Honnêtement, moi, je suis assez content de la réforme qui est proposée. Donc, voilà. Vous lirez ça. Il y a 82 points au total. Tu comprendras que je ne t'y nommerai pas toutes. Non, oh, oh, t'es donc bien plate. Ben, je pourrais, là, mais c'est parce que ça vient. Ça viendrait plate. C'est ça. Alors, donc, c'est une réforme là, qui a été déposée, je le répète, la semaine dernière et qui devrait normalement, là, ben, quoi que tu aies toutes les discussions, tu sais comment ça marche, là, commission parlementaire et tout, là. Voilà. Il faut que ça soit accepté. Alors, ça. Et que ça passe et ça va devenir une loi. Fait que... C'est ça. Puis ouais. Effectivement. Mais là, ils ont l'appui du CAA, ils ont l'appui d'un paquet de monde. Là. Donc, ça devrait passer assez facilement. En tout cas, à mon avis, ça devrait être pas mal facile. Ouais. Écoute, avant de terminer, mm-hmm. Je veux juste te parler de deux petites nouvelles parce que, bon, il faut parler des voitures électriques et on n'avait pas parlé de Tesla encore. Tesla a laissé couler, en fait. On a vu passer un dessin d'une Tesla qu'on appelle Shooting Brake, là, une espèce de Tesla familiale particulière. Alors, il semble que Tesla se dirigerait maintenant vers un station wagon électrique qui serait une des options à venir. Pour la S, j'imagine, ça serait une Tesla modèle ouais. S station wagon. Exactement. Mais c'est plus une firme de design, en fait, qui a réalisé tout ça. Okay. Mais ça pourrait être là. Okay. Et l'autre élément, ben, il y a Nissan qui vient de confirmer là, par un communiqué que sa Leaf va arriver au début de 2018 à un prix de 35 998 $ au Canada. C'est pour le modèle S, j'imagine, pour le modèle de base? Le oui, Leaf c'est S. Le prix okay. de base 35,998. Et si tu vas dans la SL, qui est la plus haute, mm-hmm. c'est 41,998. Mais il faut que tu rajoutes à tout ça, mm-hmm. parce que ça, c'est le communiqué canadien et non pas québécois. Tu dois rajouter des frais de 1990 donc des frais de 2000 en fait, pour livraison, transport et livraison. Là. C'est un peu une joke, à mon avis. Là. C'est un peu, ouais, c'est un peu une mauvaise blague. Là. Je veux dire, tu n'as pas le choix de livrer la voiture chez le concessionnaire. Là. Non, non, mais en tout cas, mais au Québec, normalement, l'affichage est obligatoire. Ouais, ouais. Le prix doit l'inclure. Ouais. Alors, donc, le 36 000 qu'on nous propose pour la livre, c'est pas vrai au Québec. C'est 38 000 au Québec, qui va être le prix affiché. Et ne vous étonnez pas, c'est la version de base sera 38 000 $ Donc, on n'est pas si loin du prix de l'ancienne. Ben, hein? Non, non, c'est pas mal proche. Là, pour une voiture qui a plus d'autonomie, pas autant que d'autres, mais quand même plus d'autonomie, ça va satisfaire une grande partie de la population qui veut quelque chose un peu en haut de 200 km. Là. Fait que, je veux dire, ça va être correct. Là. J'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de la voir en vrai. Les photos sont pas toujours... de bons exemples pour voir si une voiture est belle ou pas. Des fois, une voiture est jamais belle en photo, puis t'as voir en personne, puis c'est magnifique. Donc, j'ai hâte de la voir. Ouais, effectivement, moi aussi, j'ai hâte. Là. Bon, super. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, écoute, en passant par mon blog, marcbouchard.ca, je pense que c'est le meilleur endroit. Vous avez là toutes mes coordonnées pour me rejoindre. Sinon, ben, la page Facebook, Marc Bouchard, bien sûr. Instagram, Bouchard_Marc. Ou sur Twitter, Marc_Bouchard. Et bien sûr, notre adresse courriel à laquelle on répond tous les deux à l'occasion, mm-hmm. info@saroulradio.com. C'est donc là qu'on reçoit les courriels pour tout le monde. Et on vous invite à nous faire parvenir vos commentaires. Et toi, mon cher, on te rejoint où? Sur Twitter, @Scalazormo. Vous pouvez aussi écrire au compte Twitter de Saroule Radio, qui est Saroule Radio. Si vous ne voulez pas nous écrire un courriel, mais vous voulez parler avec nous à travers Facebook, mais il y a la page Facebook de Saroule Radio. Vous pouvez nous envoyer soit un message personnel, un message dont seulement nous, on va le voir. C'est pas public sur la page. Il y a des gens qui ont fait ça pour nous faire parvenir leurs commentaires sur notre question de la semaine passée. Et vous pouvez aussi écrire des questions sur la page Facebook directement ou d'autres peuvent commenter. Si vous voyez un essai ou une émission, vous avez un commentaire sur une émission précise, vous pouvez le faire là aussi. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Google Play. Et vous pouvez aussi nous écouter sur certaines radios Internet, dont, j'allais dire, Saroule Radio, ouais, c'est le nom du show, sur sportradio.ca, sur Radio H2O et sur Radio Média Plus. Donc, c'est ça. Donc, Marc, bonne fin de voyage en Arizona. Et puis, oui, nous... Je reviendrai demain dans la tempête, mon cher. Ben oui, à 10 cm, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis nous, ben, on se dit à la semaine prochaine. Semaine prochaine, ça sera la dernière émission pour cette année. Puis après ça, on va vous revenir au début janvier. Donc, c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, puis on se parle la semaine prochaine. Bye. Bye.